intérêt pour les gosses à devenir premier de la classe. Ici les plaques tournantes ont le premier rôle, hélas. C'est comme une salle de classe, ouais. Sans place assise. La vingtaine dans le hall, ça pue le shit et la tease. Marre du bus, c'est en PMK qu'on veut rouler. Plus de Clairefontaine, c'est au CP pour mieux rouler. Fini les punitions et les profs qui réprimandent. Dans la rue pour nous, c'est peine de prison et lourde amende. Les élèves de la rue crèvent l'écran, vois-tu. On quitte l'école pour rejoindre les rangs de la rue. La rue est ainsi faite et je prends perpète sur le béton. Et j'ai promis à ma mère que je ferai tout pour jamais béton. Comment ça commence, la mauvaise influence. Je regarde l'affluence des petits délits en France. Sur une carte géographique, je vois que de la délinquance. Et le chiffre du graphique montre avec éloquence qu'il y a un certain manque dans le système et dans la banque. On se plaint comme des tanks et ça tanque. Il y aura toujours une préférence pour ceux du premier rang. Du fond, je fais référence à ceux qui pètent des barres de francs. J'ai appris des poèmes par strophe donnés par des sales profs. Et maintenant, je t'offre ma voix qui rime dans ton corps. Pendant que souffrent nos mères à cause de nos conneries, il faut un bon putain scolaire pour qu'elles soient fières et qu'elles rient. On m'a toujours dit que la rue t'apprend qu'est-ce que t'apprends en cours. Coûte que coûte, il faut qu'on s'arrache du soin, serre les coudes. Notre vie est longue, jeune course. Si je cours, c'est pour les miens, les miens je les aime. On a grandi ensemble, suivi les mêmes cours. Certains rêvent de s'en sortir avec les joailleries, et d'autres sur les cours rêvent de s'en sortir avec les points sur les i. Et quand je pense, dehors les jeunes de l'accord, faut couler le sort, c'est sanglant. Et je sors dans le sang et c'est blessant. Jeune adolescent rejoint le néant, près des fainéants. Dans le sien, mon frère, tu peux rien contre ce régiment. Regarde les tiens, regarde les miens, regarde les biens. Regarde la rue, plus d'espoir en vue, rien que de lourd vécu, putain. Combien ont perdu la notion du bien et du mal. J'suis pas rappeur qui te fait la morale, j'suis qu'un rapport notre vie à l'oral. Regarde les tiens, regarde les miens, regarde les biens. Regarde la rue, plus d'espoir en vue, rien que de lourd vécu, putain. Combien ont perdu la notion du bien et du mal. J'suis pas rappeur qui te fait la morale, ce n'est qu'un rapport notre vie à l'oral. Je me souviens qu'en cours, quand les profs pouvaient pas me saquer, me saquer des cours. Et me coller en permanence sous la surveillance d'un pion que je faisais passer pour un coup en permanence. Et aujourd'hui, je vois que c'est dans la rue que je ne peux pas me saquer. Veulent me chasser de mes tours, coller en garde à vue d'un Schmitt. Qui s'en sait, je fais tourner en bourrique. Tu connais la musique, c'est pas à l'école que tu feras tomber le fric. Et s'en sortir pour la flic, sans le shit et le brolique. Dans ce monde, dans les rues de ce monde, ici c'est critique. Ah, ça court après des plans diaboliques. Pour faire monter des pylônes de fric. Pour faire monter des pylônes de fric. Moi je suis pas là pour te raconter de la merde. Que ma voix serve de bouée sauvetage pour t'éviter de noyer dans un tas de merde. L'école ça casse les couilles mais ça fait garder l'équilibre. Pour les jeunes du ghetto, je conseille le livre et pas le calibre. Sois conscient parmi les inconscients notre époque. Pour un regard ça se foque. Pour des pépettes ça se foque. Ça se glock, ça se coque. Petit frère, sache qu'il n'y a pas de destin en commun. Pense déjà au jugement dernier, y'a pas de cercueil en commun. Je dis ça parce que chez nous les jeunes marchent avec les anciens. On n'a pas tous les mêmes heures de vol, les mêmes kilométrages. Je suis conscient, le meilleur exemple qu'on a c'est ses parents. Arrangez ça pour demain, au cas où tu veux des enfants. J'avais appris à éviter les chiens, puis aller. C'est comme à l'école où j'esquive les heures de colle à la peine. On a nos surveillants nous aussi. On les appelle policiers en civil et vont défiler quand ils t'interpellent. La rue m'a appris à rester humble quand les autres flambent. Ceux qui brillent attirent les mauvais yeux qui peuvent te descendre. Ici le proviseur te jette dehors. Ici le juge te jette à l'intérieur. C'est hardcore. Et là faut pas te tromper pas. C'est pas les boulettes de papier mais des balles qui partent. Et dans notre cour quand y'a bagarre, c'est schlar, c'est pacte. En fin de compte la rue t'apprend rien de bien. Rien que du mauvais et la mauvaise graine. Ça pousse. Regarde bien les tiens, regarde les miens. Regarde les biens, regarde la rue. Plus d'espoir en vue, rien que de lourd vécu, putain. Combien ont perdu la notion du bien et du mal. Je suis pas rappeur qui te fait la morale. Ce n'est qu'un rapport notre vie à l'oral. Regarde les tiens, regarde les miens. Regarde les biens, regarde la rue. Plus d'espoir en plus rien que de lourd vécu, putain. Combien ont perdu la notion du bien et du mal. Je suis pas rappeur qui te fait la morale. Si ce n'est qu'un rapport notre vie à l'oral. Brutale dédicace à tous les jeunes de banlieue. Dédicace à tous les jeunes de département. Salut tous ceux qui nous écoutent de leur cellule là. Wesh Lolo. Dédicace à tous les frères et les sœurs. Les ballons. Les troisième relève.